Ndio unaweza kumshangilia jirani. Hallelujah. Amen. Aseyono. Tunaweza kuketi. Alors j'ai promis que nous allons vous remettre quelques avant-hier, je vous ai dit qu'on allait vous remettre ça. Juzi niliwaambia kwamba tutawapatia hivi. Et hier ça traînait chez l'imprimeur. Na jana ilichelewa. C'est disponible. Lakini sasa imekuwa tayari. C'est-à-dire ni kusema les attitudes qui indignent Yahweh chez les siens. Hali zinazomchukiza Mungu kwa walio wake. Le protocole vient prendre ça. Protokoli inakuja kuichukua. Que Dieu bénisse. Na Mungu aibariki. Son utilisation. Abariki kutumia kwake. Amen. Amen. Donnez à chaque rangée. Mpatie. Et vous remettez la suite pour ceux qui seront là demain. Na itakayobaki mtaiweka kwa watakao kuwa kesho. Aidez tout le monde, aidez rapidement. Prenez une copie s'il vous plaît. Utachukua tu moja. C'est une copie pour toi seul. Moja kwa ajili yako wewe mwenyewe. Prendre pour quelqu'un d'autre. Ayombo mchukulie mtu mwingine. Alors vous allez faire de ça un sujet de méditation. Mtaifanya kuwa mada ya kutafakari. Chacun de nous fasse pas de géant vers la gloire de Dieu. Il faut s'assurer que tu passes par ça et tu écris ta réponse à côté. Tunahitaji kila mtu afanye hatua zikubwa kuendea utukufu wa Mungu. La réponse ne suffit pas, tu écris derrière. Na utakuwa kijibu. Tu gardes ça dans ta Bible. Kwa kila jambo na unaiweka ndani ya Biblia yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Remettez le reste. Inayobaki mnaweza kuirudisha. Alors hier, nous étions en train de voir l'attitude de David à l'égard de Dieu, et nous avons compris ce que David a compris, qu'avoir Dieu n'est pas avoir son marabout, mais c'est avoir Dieu. Et David a compris qui il était et qui Dieu était. Ça a aidé David à développer une bonne attitude et à être tant soit peu correct devant Dieu, au point que Dieu soit à mesure de dire « David, homme selon mon cœur ». Acte 13, 22, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Écoutez-moi un peu, je vous explicite un peu ça. J'ai cherché un homme. Tu cherches quelle catégorie d'homme, quelle nature d'homme, quel genre d'homme? Je cherche un homme qui a pris conscience qu'il a besoin de ma gloire. On pourrait inversement dire, si tu veux que Dieu te trouve, sois conscient de ton besoin de sa gloire. Parce que Dieu sait que c'est au travers de sa gloire que le monde connaîtra. Paul dit, le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais pour que cette sagesse vienne chez toi, il faut que tu développes une attitude qui encourage Dieu envers toi. Seigneur, pourquoi tu es encouragé d'aller vers David? Parce que j'ai trouvé en David une attitude qui me facilite d'aller vers lui. Quelle est cette attitude? David sait qui il est et moi qui je suis. Et David prend sa position et il prend sa place. Et il me laisse ma place. De telle manière que je fonctionne bien avec David. Avec David, ça roule. Avec David, ça fonctionne. À certains hommes et à certaines femmes, lorsque je leur offre ma gloire et qu'ils fonctionnent bizarrement, je ne sais pas comment fonctionner avec lui. Le cas de son prédécesseur, Saül. Dieu dit, l'homme de Dieu dit ceci à Saül. Il dit, quand tous ces signes seront accomplis avec toi, fais tout ce que tu voudras, car Dieu est avec toi. Ok. Mais Saül, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Fais tout ce que tu voudras. Jésus dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Avant d'être capable ou d'entrer dans l'arène de demander tout ce que vous voudrez, ce qui précède c'est si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est-à-dire, si vous établissez un bon mécanisme de fonctionnement entre moi et vous, alors, la promesse à Saül peut s'accomplir. Fais tout ce que tu trouveras à faire. On va revenir sur ça. Dieu des cieux, comment tu peux faire de telles promesses? Mais c'est dangereux. Ces hommes-là, dont tu as dit que leurs cœurs sont tortueux, comment tu peux leur faire de telles promesses? Fais tout ce que tu trouveras à faire. Dieu veut s'assurer que lorsqu'il entre en interaction avec nous, nous fonctionnons correctement. Je vous ai toujours donné l'exemple suivant. Si tu vas dans la forêt à Beni là-bas, dans un camp de pygmées, tu prends un pygmé, tu lui donnes un iPhone. Tu ne lui expliques rien. Il va faire quoi avec? Atafanya nini pamoja naye? Ça va l'aider à frapper un oiseau. Itamsaidia kupiga ndege. Si là où il se trouve, hakuna majiwe. Et si là où il se trouve, il y a pas de pierre. Ndege mwena pite na ikala kumuti. Lorsque un oiseau passe sur un arbre, anachukua simu na napiga. Et ça marche. Na mambo inaendeka. Jésus dit, yes, ne jetez pas vos perles devant les poursuivants. La gloire de Dieu, c'est une perle. Inakuwa lulu. Et Dieu est prêt à l'offrir. Na Mungu iko tayari kuitoa. Mais il voudrait l'offrir lakini anahitaji à des personnes qui fonctionnent bien. Kwa watu wanaotumika vizuri. À un homme, une femme qui a compris. Kwa mwanao, mama, mwanao, et qui fonctionne lewa. Correctement. Na ambaye anaanza kuenenda sawa. Qui sait qui il est. Anajua yeye ni nani. Et qui sait qui est Dieu. Na anajua Mungu ni nani. Et qui reste à sa place. Na ambaye anabaki kwa nafasi yake. Nous avons vu hier. Tuliona jana. Comment. Namna gani. David. Daudi. Fort de toutes ses armées. Akiwa na nguvu pamoja na majeshi wake wote. Il consulte Dieu. Anamchunguza Mungu. Vous êtes prêts? Et j'ai retenu trois phrases. Na nimeshikilia, nimeshika maneno tatu. Dans 1 Chronique 14 et 10. Ndani ya mambo ya siku ya kwanza 14 mstari wa 10. David. Daudi. Consulta l'Éternel. Akamchunguza Bwana Mungu. David consulta l'Éternel. Daudi akamchunguza Bwana Mungu. La suite. Ya kufuata. Verset 14. Shaili la 14. David consulta encore Dieu. Daudi akamchunguza tena Mungu. Au verset 16. Kwa 16. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Daudi akafanya ile ambayo Mungu aliyomwagiza. Et enfin. Na kwa mwisho. Comme conséquence. Kama vile matokeo. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Na jina la Daudi likavuma ndani ya nchi zote. Est-ce qu'on peut essayer de mémoriser ça? La partie ici. Tunaweza kushika hii sehemu huko. Allons-y. Twende pamoja. David consulta Dieu. Daudi akamchunguza Mungu. David consulta encore Dieu. Daudi akamchunguza Mungu tena. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Daudi akafanya ile ambayo Mungu aliyomwagiza. Et puis la renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Bien-aimé, comment tu te comportes comme cela, David? Je comprends que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la gloire de Dieu dans ma vie. Et je dois m'humilier pour en bénéficier. J'ai tout ce qu'il faut qui peut me permettre de prétendre faire des choses sans Dieu. Aziz, Azil, tes doigts fonctionnent bien sur le clavier. Est-ce qu'il t'arrive de consulter Dieu pour jouer? Ça arrive. Loanda, quand tu joues comme ça en haut là, est-ce qu'il t'arrive de considérer que tu as besoin de Dieu pour faire ça? Papa Kilote, quand tu es dans ton bureau là, le chef vient d'arriver. Tout le monde a break. Tout le monde te salue avec respect. et tu entres dans ton bureau. Est-ce que tu sens que tu peux consulter Dieu pour cette journée-là? Demandez au voisin. Il y a beaucoup de choses que tu sais faire. David, c'est un guerrier avant de devenir roi. C'est un guerrier. C'est un vaillant guerrier. Il sait faire la guerre. Et il a des vaillants hommes. Ils savent faire la guerre. Il est bien entouré. On vient de l'introniser avec 340, 88 ou quelque chose. 340 822. Il est bien entouré. Il se détourne de ses armées là. Et il consulte Dieu. Écoutez la question qu'il pose. Seigneur, est-ce que je peux aller en guerre avec ces gens ici? Et Dieu lui dit d'accord. Est-ce que je vais gagner la bataille? Nitashinda vita. Dieu lui dit, je vais être avec toi. Mungu anasema ndio nitakuwa pamoja na wewe. Pourquoi tu ne dis pas? Sababu gani usemi? Allô, mes hommes. Watu wangu. Alignez-vous. Les Philistins sont arrivés. Wafilisini wamefika. En guerre. Kwa vita. Non. Je vais chez l'Éternel. Nitamwendea Bwana. Parce que si l'Éternel ne me prête pas mes forces, si Dieu ne me dote pas, mes hommes ici, on va les exterminer ça, comme de la blague. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut revenir? David consulta l'Éternel. David consulta encore l'Éternel. David fit ce que Dieu lui avait dit. Daudi akafanya yote Mungu aliyomwagiza. La renommée de David. Na jina la Daudi. Vous savez ce qu'on va faire? Najua tutafanya nini? Tourne-toi vers une personne. Utageukia watu tatu. Demande-lui son nom. Utamuuliza jina lake. Et puis dis-lui dans son nom. Kisha umwambie ndani ya jina lake. Pierrot, consulte l'Éternel. Pierrot, mchunguze Bwana. Consulte encore. Allons-y. Twende pamoja. Dis-lui à son nom. Mwambie kwa jina lake. Dis-lui à son nom. Mwambie kwa jina lake. Mais écoutez ce qui finit, la fin. Sasa msikilize mwisho. Ta renommée. Jina lako hilo. Si tu te comportes comme ça. Kama unakuwa hivi tu. Ta renommée. Jina lako. Ta renommée. Jina lako. Ta renommée. Jina lako. Hey. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est tellement simple que si tu ne fais pas attention, tu vas te heurter contre elle. Elle est véritablement vraie, la parole. Elle est vraie. Donc ta renommée va être connue dans toutes les nations. Si tu fais quoi? Je consulte l'Éternel. Je consulte encore l'Éternel. Dieu se sent à l'aise. Il décharge tout son être en moi. Il décharge sa gloire en moi. Il libère son cabot dans ma vie. Et ma renommée monte. Ta renommée monte. Jina langu linavuma. Tu as besoin que ta renommée monte. Unahitaji jina lako livume. Apprends à consulter l'Éternel. Ujifunze kumchunguza Mungu. Même dans les choses que tu sais faire. Hata ndani ya mambo unayojua kuifanya. Tu es allé appeler à signer un contrat. Umeitwa ili uende ukafanye. Cela paraît bon. Sahihi kwenye mkataba wa kazi. Or ce sont des escrocs. Ijapokuwa wao ni wezi. Si tu consultais l'Éternel, tu allais sentir dans ton cœur. Attends, je ne signe pas. Si tu as sahihi yangu. Mais comme tu comptes sur toi-même, tu n'as pas appris. que le Dieu des cieux, c'est lui qui maîtrise les choses, tu vas aller entrer dans un piège. Alléluia. Amen. Ce soir, je voulais partager sur quelque chose ensuite de ce que nous sommes en train de parler, la conscience. Après avoir compris depuis mardi la place de la conscience, ce soir, je voudrais que nous abordions un deuxième chapitre, un troisième chapitre, les facettes de la gloire de Dieu. Les facettes de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand nous disons, Seigneur, que ta gloire revienne, qu'est-ce qui va venir? Seigneur, que ton poids vienne dans ma vie. Qu'est-ce qui vient dans ma vie? Allô? Allô? Vous m'écoutez là au fond? 5 sur 5? Je peux vous attendre? Si vous êtes là, vous prenez votre chaise, vous venez mettre ça à côté ici. Kama uko mbali unaweza chukua kiti yako na kuja kaa hapa karibu. Si vous n'écoutez pas bien. Kama usikilize vizuri huko. Vous écoutez bien? Nasikiliza vizuri? OK. Quand j'ai dit j'ai reçu la gloire de Dieu dans ma vie. Ninaposema nimepokea utukufu wa Mungu maishani mwangu. Qu'est-ce que j'ai reçu? Nini niliyoipokea? Est-ce qu'on peut comprendre? Je tunaweza kuelewa. Les facettes de cette gloire. Alors nous allons méditer sur cela à deux niveaux. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Essayons d'explorer cela. Tunaweza kuingia ndani ya hii. Les facettes de la gloire de Dieu en lui-même, en Dieu lui-même. Quand on dit que Dieu est glorieux, la gloire de Dieu, là même en Dieu, là même en Dieu. De quoi il s'agit? Et quand on dit que la gloire de Dieu est venue dans ma vie, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui est venu dans ma vie? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes prêt à écouter ça? Si tu es prêt, tu acclames le Seigneur. La gloire de Dieu en lui-même. Utukufu wa Mungu ndani yake yeye mwenyewe. En lui-même. Ndani yake yeye mwenyewe. Lorsque nous parlons la gloire de Dieu en lui-même, tunapozungumzia utukufu wa Mungu ndani yake yeye mwenyewe. Nous sous-entendons son être, tunakuwa tukisikiliza sa personne, utu wake et sa puissance. Na uwezo wake. L'être de Dieu, utu wa Mungu, la personne de Dieu, utu wa Mungu ama ile ambayo iko, la puissance de Dieu, na uwezo wa Mungu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de l'être de Dieu, tunaposungumzia ile ambayo Mungu iko, nous sous-attendons tunakuwa tukisikiliza son infinité, tunaona sa déité, sa souveraineté, tunaona ukubwa wake. Dieu est Mungu iko. Quel est le contenu? Nini nayokuwa ndani? Il est infini. Yeye hana mwisho. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Rappelez-vous du je suis. Mukumbuke de Exode 3:15-14. Ndani ya kitabu cha Kutoka je suis. 3:14 na 15. C'est-à-dire Niko ninamaanisha avant, maintenant et après, je suis au présent. Mbele sasa na wakati utakao kuja mimi niko. C'est-à-dire mystère. Ni siri. Mystère. Inakuwa siri. Vous savez, on parle parfois des mystères sur la terre. Unajua mara tunazungumzia siri ya maisha duniani. Beaucoup de choses que tu estimes qu'elles sont inconnues, incompréhensibles. Mambo mengi ambayo unaona ya kwamba haisikiliki ama c'est un mystère. Inakuwa ni siri. Mais Dieu, lakini Mungu, c'est le mystère. Ni hiyo siri kubwa. Le mystère. Siri kubwa. Le mystère. Siri kubwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de son infinité, nous sous-attendons un Dieu incréé, tunaona Mungu ambaye hakuumbwa, un Dieu qui existe par lui-même, Mungu ambaye iko kupitia yeye mwenyewe, qui n'a ni commencement ni mwazo, fin. Hana mwisho. Ni commencement ni fin. Hana mwanzo wala mwisho. Regardons quelques textes. Tuangalie maandiko fulani. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, il est écrit: Ufunuo moja mstari wa 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Mimi ni mwanzo na mwisho. Dit le Seigneur Dieu. Asema Bwana Mungu. C'est lui qui est, Ulalie, qui était, aliyekuwa, et qui vient. Na atakayekuja. Regardez maintenant. Tazama sasa. C'est lui qui est. Ulambaye iko. Où est-ce que nous limitons ce est? Tunatilia mpaka wapi hii niko? Quand est-ce que l'alpha commence et quand est-ce que l'oméga arrive? Wakati gani ambapo mwanzo inaanza na wakati ambapo mwisho inafika? La Bible dit. Biblia inasema. Je suis l'alpha et l'oméga. Mimi ni alpha na omega. Celui qui est. Ambaye iko. Qui était. Aliyekuwa. Et qui vient? Natakayekuja. C'est comme qu'on a mis fat. Est-ce que moi? Je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter. Allô? Allô? Moukouako? Est-ce que vous êtes là? Bonan Sibasikiye. Je ne vous capte pas. Est-ce que vous êtes là? Je moukouapo. Vous pouvez me montrer que vous êtes là? Naweza kunionyesha kwamba moukouapo. Ok, suivez-moi maintenant. Sasa munifuate. S'il y a commencement. Kama kuna mwanzo. C'est qu'il y a quelqu'un qui a commencé le commencement. Ni kusema kuna mtu ambaye alianza mwanzo. Et s'il y a fin, na kama kuna mwisho, il y a celui qui dit que ça s'arrête ici. Kuna mtu anayesema inaishia hapa. Maintenant, sasa, si tu as participé au commencement, kama si tu as engendré le commencement, ama kama wewe ndio uliyezaa mwanzo, c'est que tu étais. Ni kusema ulikuwa. Frère, est-ce que tu vois ça? Oh non, non, non. Auyaona. Tu n'as pas encore vie. Auyaona. Tu n'as pas encore vie. Je dis ceci. Ni konasema hivi. Celui qui est. Ula mbaye iko. Qui était. Ambaye aliyekuwa. Et qui vient. Natakayekuja. Alpha mwanzo et omega na mwisho. La ligne de temps hiki stari cha muda ou le comptage ama hesabu le comptage de l'existence hesabu za kukua commence avec le alpha zinaanza pamoja na mwanzo. Quand en mathématiques, wakati ndani ya masomo on nous dit, wanatuambia, moins est fini, isiyokuwa na mwisho et plus est fini, isiyokuwa na mwisho on dit à peu près alpha karibuni et mwanzo omega. Na mwisho. Mais il y a quelqu'un qui gère lakini kuna mtu anayeongoza le alpha mwanzo jusque mpaka l'omega. Kwa mwisho. Non seulement il le gère, apana tu kwamba anaiongoza, mais ce personnage lakini mtu huu engendre ça. Ni yeye ndiye anaizaa. Ce que nous appelons existence aujourd'hui, ile tunayoita kukua leo, c'est l'existence que Dieu Yahweh engendre. Ni maisha ambayo Mungu Yahweh ndiye aliyeizaa. Est-ce que bien apita? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous m'avez capté? Est-ce que vous me captez? Banani habani pate ni rudilie. Qui ne me capte pas pour que je revienne. Tu ne comprends pas encore. Lève la main. Ok, tout le monde comprend. Qui comprend? Nani ambaye anaelewa? Qui sont neutres? Wangapi ambao hawaelewe ama wanaelewa yote pamoja? Bwana sifiwe. Amen. J'aimerais que tu comprennes ceci. Vous savez, ningependa uelewe hii, mnajua? Lorsque nous parlons des choses, si nous mambo ne les comprenons pas, nous n'allons pas en jouir. Hatutayafurahia. Je vous donne un exemple simple. Nitawapa mfano ulio rahisi. Quand tu dis je t'aime, unaposema nakupenda, tu rencontres la fille d'autrui à route, je t'aime. Unakutana na binti wa watu njiani unamwambia nakupenda. Si cette fille ne comprend pas ce que tu dis, kama huyo binti haelewi ila je t'aime, si ton je t'aime là, kama ile nakupenda, la fille d'autrui là ne comprend pas c'est quoi. Binti wa watu yeye haelewi ni nini. Elle va commencer à s'amener. Ataanza kujileta. Mais si elle comprend ce que tu dis, lakini kama anaelewa ile ambayo unasema, elle comprend qui parle, anaelewa nani anayesema, elle comprend qui elle est, anaelewa yeye ni nani, elle se rend compte que c'est un aventurier ce gars là, anaelewa huyu kijana huyu ni mchezo huyu, ou elle se rappelle que mais c'est le papa de Chantal, na anakumbuka si ni babake na dada fulani. Elle va tout simplement comprendre que la définition de ces mots-là, c'est pas la définition que je connais. Nous devons comprendre Dieu c'est quoi. Dieu. Alors, je suis l'alpha et l'oméga. Dieu Mungu est celui qui crée l'existence. Le temps Muda commence inaanza avec la matière. Pamoja na vitu. La matière. Vitu. Quand il n'y a pas encore matière, wakati hakuja kuwa kitu, il n'y a pas de temps. Hakuna muda. C'est ce que disent les scientifiques. Ni hivyo ndivyo wanasayansa wanasema. Donc, dès l'instant où on peut commencer à compter alpha, ni kusema wakati tunaweza kuanza ku, c'est que la matière vient d'être là. Ni kusema kitu imekuwa hapo tayari. Bwana sifiwe. Amen. Comme nous disons alpha, sisi tunasema mwanzo. Donc la matière vient d'être là. Ni kusema kitu imekuwa hapo tayari. Mais la matière vient d'où? Lakini kitu natokea wapi? Il y a quelqu'un, kuna mtu qui vient d'engendrer la matière. Ambaye ameleta ile kitu. Et la matière, ce ne sont pas seulement les choses que nous touchons comme ça. Na hii kitu sio vile tunavyoweza kugusa. C'est aussi même l'air. Inakuwa hata anga. Les choses infiniment petites. Mambo ambayo yanakuwa madogo sana. Les choses infiniment grandes. Mambo ambayo yanakuwa makubwa sana. C'est la matière. Hii inakuwa ni vitu. Et c'est Dieu là. Na Mungu huyo. Et c'est lui qui engendre la matière. Ni yule ambaye anazaa vitu. C'est-à-dire, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ni kusema analeta kuwa ile ambayo haikukua. Qu'est-ce qui n'existe pas nini avant ambayo haiko que ça existe? Mbele ikuwe. La matière. Iyo kitu. Et dès l'instant na tangu muda où Dieu engendre la matière, anazaa kitu hicho, nous parlons de la création. Tunazungumzia uumbaji. Nous parlons de l'existence. Tunazungumzia kuwa kwa maisha. Nous parlons de ça. Tunazungumzia ile ambayo unaweza kugusa. De ça, nous parlons de tout ça. Hiyo tambo unaweza kugusa. C'est la matière. Inakuwa ni kitu. Mais avant que la matière soit, lakini mbele hiyo kitu hijakuwa, Dieu est. Mungu iko. Dieu est. Mungu iko. Dieu est infini. Mungu hana mwisho. Dieu est. wakati omega taisha, quand omega va finir, wakati omega taisha, je serai encore là. Nitakuwa ningali hapo. Et Paul dit, na Paulo anasema, à la fin de tout, kwa mwisho wa yote, Dieu va remettre toutes choses à lui-même. Mungu atarudisha mambo yote kwake yeye mwenyewe. Jésus va rentrer à lui-même. Yesu Kristo atarudia ndani mwake yeye mwenyewe. Et ce qui ressemble à ce qu'il y avait avant que la matière soit. Na ile ambayo inafanana mbele ya ile ambayo ilikuwa mbele va continuer. Kitu ikuwe itaendelea. C'est ça le Dieu dont nous parlons. Huyu ndiye Mungu tunayemzungumzia. Alors nous disons, sasa tunasema, la gloire de Dieu, quelle est sa facette? La première facette, Mungu, c'est l'être de Dieu. Inakuwa ni ile ambayo Mungu iko. Ce fait-là déjà suffit inatosha pour que tout ce qui n'est pas Dieu, yote tout ce qui est matière, yote ambayo ni kitu, tout ce qui existe, yote ambayo iko, se soumette. Parce que si c'est lui qui t'a fait exister, sababu kama ule ambaye alifanya wewe, va te retirer de la circulation. Écoutez-moi bien. Kukua, si le Dieu là kama Mungu huyo, veut retirer le soleil anapenda aondoe jua, de la chose, aondoe jua ndani ya ulimwengu, il va juste prendre ça, le soleil, et couille. Atachukua tu, viens ici. Et l'univers n'a plus de soleil. Na ulimwengu haina tena jua. Est-ce que mnanipata? Est-ce que vous me captez? J'aimerais que quelqu'un sente. Ningependa ce que David sentait. Ila ambao Daudi alikuwa akisikiliza. Quand tu comprends pas ça, wakati uelewi, tu vas venir chez Dieu comme ça. Utakuja tu kwa Mungu kiolela hivi. Mungu wangu, Mungu wangu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Attention. Angalisho. Si Dieu veut t'enlever le souffle, kama Mungu anahitaji tu aondoe ile pumzi, c'est fini. Mambo inaisha. Il n'a pas besoin de discuter. Na hana haja ya kuanza kuzungumza sana na wewe. Et si Dieu veut te donner quelque chose, na kama Mungu anahitaji kupitia, même qui n'existe pas, hata ile ambayo haiko, il a fait exister tout ça. Amefanya hii yote ili ça lui coûte rien. Na haimuombe kitu. Pour faire exister encore quelque chose, alete tena dont tu as besoin. Ile ambayo unahitaji. Toi qui pleures, Marie. Mungu nipe bwana, Mungu nipe bwana. Écoute, même si ton mari n'avait pas été créé, Dieu peut le créer maintenant même. Et il te le donne. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Le Tout-Puissant. Mungu Mwenyezi. Dans Exode chapitre 3 verset 13-14, il est écrit: Kutoka Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis. Mungu akamwambia Musa, niko. C'est lui. Ule ambaye. Qui suis. Ambaye iko. Ça, c'est la conjugaison de Dieu. Inakuwa ni mapinduzi ya Mungu. Je suis. Niko. C'est lui. Yule ambaye. Qui suis. Iko. Et il ajouta: na naongeza. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Ni hivi ndivyo takayo vyo wajibu. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Anaitwa Niko amenituma kwenu. Et il dit dans la suite: na nasema ndani ya inayofuata. C'est ça mon nom pour l'éternité. Ndio jina langu kwa umilele. Et dans le psaume 83, verset 19, il est écrit, vous pouvez lire cela. Zaburi makumi nane na tatu, mustari wa kumi na tisa imeandikwa. Le psaume 90, verset 2. Zaburi makumi tisa, mustari wake wa pili. Avant que les montagnes fussent nées, mbele milima haijazaliwa, et que tu eusses créé la terre et le monde, na hujaumba dunia na ulimwengu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Umilele hadi umilele, wewe ni Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, mnaona ndugu dada na kaka, ça c'est l'être inakuwa ile ambayo Mungu iko. Mungu iko. Indiscutable. Na haiwezi kubishana. La preuve que Dieu est, kitambulisho kwamba Mungu iko, c'est que tu es. Ni kwamba wewe uko. Si n'avait pas été, kama hangekuwa, tu serais pas. Haungekuwa. Parce que lui qui a engendré la matière, sababu yeye ndiye aliyeleta vitu. De la matière est sortie la terre. Na kuondoka ile kitu. Et de la terre est sortie toi et moi. Kakuja udongo na wewe na mimi tumetoka udongo. Et nous sommes des émanations, une émanation de lui. Ni kusema sisi tumetokea kwake. Nous sommes une émanation de son être. Tumetokea ndani ya utu wake. Donc En quoi Dieu est glorieux? Ni kusema Mungu ni mtukufu kupitia nini? Premièrement, ya kwanza, Dieu est glorieux ni mtukufu par son être. Kupitia ile ambayo yeye iko. Son être suffit. Ile ambayo iko inatosha. Son être. Ile ambayo iko. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Alors je disais que son être est infini. Nilikuwa nikisema ya kwamba kukua kwake hakuna mwisho. Je disais que sa déité. Nilikuwa nikisema ya kwamba uungu wake ama uungu wake hauna mwisho. Est un mystère. Inakuwa ni siri. Mais je disais aussi qu'il est souverain. Nilikuwa nikisema pia ya kwamba yeye ni mkubwa. Son être est souverain. Ila ambayo iko inakuwa kubwa. Quelques moniteurs peuvent aller en haut là-bas. Walimu wa shule la Jumapili wanaweza kupanda huko juu. Il est souverain et indépendant. Yeye ni mkubwa na halingani na mtu. C'est-à-dire, ni kusema, il n'a pas été poussé par quelqu'un pour créer l'univers. Hakusukumwa na mtu ili aweze kuumba ulimwengu. Cela est venu de son être. Il tokia ndani ya ile ambayo iko. Personne n'a dit à Dieu, Dieu crée l'univers. Hakuna aliyemwambia Mungu, Mungu umba ulimwengu. Hapana. C'était son choix. Ilikuwa ni uchaguzi wake. Libre et indépendant. Ilikuwa alikuwa huru. Mais un choix, retenez ceci, un choix bienveillant. Lakini sikiliza vizuri, ilikuwa ni uchaguzi wa makini. Un choix bienveillant. Uchaguzi wa makini. Deuxièmement, ya pili, ou deuxième facette de sa gloire en lui-même, ama uso wa pili wa utukufu wake ndani yake yeye mwenyewe, sa personne, inakuwa ni utu wake. Sa personne, utu wake. Dans sa personne, ndani ya utu wake, nous voyons les sous-facettes de son cœur, tunaona nyuso ndogo kama ses dessins, moyo wake, son caractère. Son caractère, tabia zake, sa personnalité. Utu wake. Dieu est une personne. Mungu ni mtu. Dieu est un personnage. Mungu anakuwa utu. C'est-à-dire, ni kusema, il a une volonté. Anakuwa na mapenzi. Il a une manière d'être. Anakuwa na namna ya kuwa. Il a des perspectives. Anakuwa na mitazamo. Il sait ce qu'il veut. Anajua ile anayohitaji. Il sait à quoi il veut arriver. Anajua anahitaji afikie nini. Il est une personne. Yeye ni mtu. Et c'est au niveau de sa personne. Na ni kwa hiki kiwango cha utu wake. Que les êtres humains nous nous retrouvons. Ndimo wanadamu tunajikuta. Parce que c'est au niveau de sa personne. Sababu ni hapa kwa ngazi ya utu wake. Qu'existe sa volonté de relation. Ndipo kunakuwa hii mapenzi yake ya kuwa na mahusiano. Et son initiative. Na maanzilishi yake. De créer une créature. Ya kuumba kiumbe. Qui va être à son image. Kitakachokuwa kwa mfano wake. Qui sera capable doté d'un potentiel de faire partie de sa famille. Na kitakachokuwa na uwezo wa kukua ndani ya jamaa yake. Qui sera capable de naître de nouveau. Kitakachokuwa na uwezo wa kuzaliwa upya. Qui sera capable d'interagir avec le créateur. Kitakachokuwa na uwezo wa kujadiliana pamoja na Mungu. Même au niveau d'amitié. Hata kwa kiwango cha urafiki. Où Dieu peut dire. Ambako Mungu anaweza kusema. Cette créature ici. Kiumbe hiki. Sera mon ami. Kitakuwa rafiki yangu. Wow. Sa personne. Utu wake. C'est là que se traitent toutes les questions relationnelles. Relation avec les hommes. Relation avec la création. Dans sa personne. Maintenant, lorsque tu prends tout ce qui existe comme relation entre le créateur et les créatures, quand tu regardes les phénomènes existants entre les créateurs, les hommes, les éléphants, les lions dans la forêt, comment les choses interagissent sur la terre, la relation entre l'homme et le soleil, le soleil au service de l'homme, toute cette machine-là qui fonctionne émane de la personne de Dieu. Pourquoi devrais-je craindre Dieu quand je regarde tous ces phénomènes? Et petite affaire est dans ton ventre. Et puis ça naît. Et puis ça devient une petite fille ou un petit garçon. Et puis tu es en train de regarder. Et puis quand mes commas. Et puis il grandit. Et puis quand il couille. Et puis il vient. Il peut m'embouger. Oh, il faut me donner les chèvres. Je vais me marier. Tous ces phénomènes ici. Qui a fabriqué ces phénomènes? Et puis tu lui donnes des chèvres. Et puis, regardez ce petit-là. Tu vois ce petit? Bientôt, il va demander les chèvres. Il s'exerce déjà à porter les vestes. Mais il est encore jeune avec nos gistocores actuels. Alléluia. Amen. Regardez ce phénomène-là. Tous ces phénomènes sur la terre, dans le monde, dénotent qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a voulu ça. Dans sa personnalité. Et il a voulu ces choses-là. Il a réfléchi sur ça. Il a imaginé ça. Dans sa personne. Il a planifié ça. Et il a engendré ça. Et voici ça existe. Je suis parmi les preuves. Regardez comment je gesticule ici. Avec les micros. Qui a fait ça? Pourquoi on n'est pas des morceaux de bois où on se déplace comme ça? Qui a imaginé ce que nous allons être? Pourquoi tu as imaginé ça comme ça? Pourquoi la tête? Pourquoi la tête n'est pas ici alors que? Et puis nous marchons et la tête est en train de toucher par terre. Regardez, dans la personne de Dieu, il a imaginé tout ça. Et c'est tout ça qui fait son poids. Il mérite qu'on le respecte. Les gens qui ne veulent pas ça, les sorciers sont en train de marcher la tête en bas. Il a voulu que les poissons soient dans l'eau. Que les hommes soient à terre ferme. Les hommes à terre ferme. Bon mariage. Affaire dans 20 ans ou dans 30 ans, quoi. Pas maintenant, hein. On peut aller dire la topette et donner les chèvres maintenant, là. C'est pas maintenant. Alléluia. Amen. La personne. C'est dans la personne de Dieu où il y a l'amour, la bonté, la bénignité, la volonté de Dieu, les restrictions, les lois, les recommandations, les principes dans sa personne. Et Dieu dans sa personne met tout en marche pour que l'univers fonctionne correctement. Et il est engagé à maîtriser ça. C'est pourquoi il est écrit, il est immuable. C'est-à-dire, il ne change pas. Si Dieu change une minute, la gestion de tous les systèmes se disloque. Le soleil descend ici, la terre monte là-bas, les arbres volent là-bas, tous ces mouvements des étoiles et des astres. Hatua ya masayari chaque yote. Astre va là où elle veut. Kila sayari tenda mahali inapotaka. C'est fini. Na mambo inakwisha. Mais dans son être, lakini ndani ya utu wake, il a dessiné comment ça va être. Aliweza kuchapa namna gani mambo yatakuwa. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est en train d'accumuler des moyens d'adoration maintenant. Hein? Nawaza mtu yuko na chukua vitu vitakavyo msukuma ndani ya mabudu sasa. Hier c'était Mungu ninakupenda, Mungu Baba, Mungu Baba. Hier c'était Dieu, je t'aime, mon Dieu le Père. Mepata maneno. Aujourd'hui tu as les paroles. Et les musiciens, mnapata maneno. Et les musiciens, wanamziki mmepata maneno. Composez les chants. Inaomba sasa muunde manyimbo. Haifai tukwe narudilia tu muile moya moya tu. Ne font pas que nous soyons en train de revenir sur le même chanson. Nous avons déjà chanté ce cantique, il fait déjà 5 ans. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Alléluia! Amen! Dieu, il est merveilleux! Mungu ni mwema. Regardez, quand je dis Seigneur, tu es merveilleux, Bwana, wawe ni mzuri. Je sous-attends quoi? Inamaanisha nini? C'est ça? Ni hii. Quand je dis mon Dieu, je parle de qui? Seigneur, comment? Nous sommes encore dans ce qu'il est lui-même en lui-même là-bas. Ce qu'il est lui-même. Sa personne. Donc, dans sa personne, nous voyons son cœur, ses dessins, son caractère, sa personnalité, et ainsi de suite. Il est écrit dans Hébreux 1 à 4, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, lesquelles il a aussi créé le monde, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Wow. Christ est le cachet de sa personne. Anakuwa l'empreinte de sa amachapa personne. Ya utu wake. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Apocalypse 4, 11, il est écrit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. » On peut acclamer le Seigneur. C'est pas ta volonté que toutes choses existent, y compris moi-même. Si tu ne veux plus que j'existe, je suis supprimé. Il y a une erreur. Oui, c'est Apocalypse. Ouais. Corrigé, c'est pas AG. Sio Hagai, lakini ni Ufunuo. Apocalypse. Ufunuo. Alléluia. Amen. C'est par sa volonté que chaque chose existe, y compris moi-même. Kupitia mapenzi yake ndimo kila kitu kinakuwa, hata mimi mwenyewe. Seigneur, merci. Bwana asante. Parce qu'aujourd'hui, sababu leo, par ta volonté, kupitia j'existe encore. Yako ninakuwa. Si tu ne veux plus que j'existe, kama utaki tena nikuwe, tu n'as pas des efforts à faire. Hauna la kufanya. Vous attendez des morts subites, quelqu'un est mort. Si Dieu ne veut plus que tu sois là, c'est fini. Kama Mungu hataki ukue, mambo inaisha. Mais si Dieu veut que tu sois là, lakini kama Mungu anahitaji ukue, qu'elle monte, wapande, qu'elle redescende, washuke, que les bachawi de Minova et de Iju viennent, wachawi wa Minova na que les esprits des montagnes et les esprits de la mer viennent. Mapepo ya bahari, si c'est Dieu en question, dit kama Mungu huyu anasema, tu restes, tu existes, ya kwamba unabaki huko, mtu apime, que quelqu'un ose seulement, mtu apime, que quelqu'un ose, mtu apime, que quelqu'un ose. Voyez-vous, nos ennemis spirituels comme physiques existent dans cette chose ici que nous appelons l'existence, que Dieu a engendré et donc que Dieu maîtrise. Même les puissances de l'air, quand elles envoient la pluie pour gâcher une réunion, wakati zinatuma mvua kwa ajili ya kuharibisha mkutano fulani. Et que tu es enfant de Dieu. Na kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Tu peux leur dire, unaweza kuambia, hapa tuko ku biashara ya Mwenyezi Mungu. Ici nous sommes dans les affaires de Dieu tout puissant. Sasa wewe achana na hiyo mambo. Maintenant il faut laisser avec ces affaires là. Nuages. Les nuages sont des créatures aussi, hein. Mawingu nayo inakuwa ni viumbe. Tu peux parler aux nuages. Nikusema unaweza kuzungumzia mawingu. Et dire nuage. Na unasema mawingu. Auta déranger biashara. Tu vas pas déranger les affaires de Dieu. Le Dieu des cieux, Mungu wa mbingu, est dans quelque chose qu'il est en train de créer et de fabriquer ici à l'arche. Iko ndani ya kitu ambayo iko na umba na ambayo iko déranger ça hapa kwa kanisa hili na hauna haki ya kuiharibisha. Et il va rentrer aller à Rutshuru. Na mawingu itarudi na itenda Rutshuru. Wa Masisi. Ama Masisi. Bwana sifiwe. Amen. On offre à Dieu entre-temps. Tunakuwa tukimtolea Mungu. Nous parlions de la personne. Tulikuwa tukizungumzia utu. Psaume 33 verset 11-12 il est écrit Zaburi 33 le dessein de l'Éternel, c'est-à-dire ce que Dieu veut, le dessein de l'Éternel subsiste à toujours, et le projet de son cœur de génération en génération. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. Amen. Amen. Toujours dans l'être de Dieu, ndani ya utu wa Mungu, nous retrouvons sa puissance. Tunakuwa ndani na uwezo wake. Dieu est puissant en lui-même. Mungu anakuwa na uwezo ndani yake mwenyewe. Et dans la puissance de Dieu, ndani ya uwezo wa Mungu, c'est là que nous retrouvons ses œuvres. Hapo ndipo tunakuta matendo yake. L'existence, kukua ama maisha. L'existence existe par la puissance de Dieu. Maisha iko kupitia uwezo wa Mungu. La création, maumbaji, ancienne ou actuelle, viumbe vya zamani ama vya sasa, nous retrouvons la manifestation de la puissance de Dieu. Tunaona kupitia hivyo kuonekana kwa uwezo wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Psaume 150 verset 1 et 2. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Et dans Romains 1:20, il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alléluia. Amen. Dans Jérémie chapitre 10, Jérémie sura 10, versets 11 et 12, il est écrit, mstari wa 11 na 12 imeandikwa, vous les parlerez ainsi. Mtawaambia hivi. On peut les lire ensemble. Tunaweza kuisoma pamoja. Allons-y. Twende pamoja. Jérémie chapitre 10 verset 11-12. Jérémie 10, shaili la 11 na 12. OK, dans votre Bible, Daniel Biblia yenu, il est écrit, imandikwa, vous les parlerez ainsi, mutawambia hivi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Wata kutoweka kutoka ça, dunia. Ça c'est l'arrogance de Dieu. Hii inakuwa sasa ni majivuno ya Mungu. Ça c'est la fierté de Dieu. Inakuwa ni furaha ya Mungu. Mungu mwenye hakuumba inji na dunia atoke mwangu. Le Dieu qui n'a pas créé ce ciel et la terre qu'il sorte dans le monde. Dieu dit à tous les dieux. Et le ciel que si moi-même vous n'avez pas créé les cieux et la terre, Mungu anambia miungu zote, vous allez quitter mes affaires. Mbingu na dunia mtatoka ndani ya mambo yangu. On peut dire ça ensemble, frère. J'aime ce verset. Napenda sana shairi hili. Allons-y. Vous les parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Tu connais un dieu pareil? Vous connaissez ce genre de dieu-là? Qui s'appelle Dieu? Et mais ils n'ont pas créé les cieux et la terre. C'est prévu. Je vous ai dit que c'est un terme juridique. Il est prescrit. Dieu prévoit. C'est ça le terme. Dieu prévoit que les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. C'est une autre manière de Dieu de dire, vous qui vous prétendez Dieu, partez dans votre terre et dans votre ciel. Allez dans votre terre et dans votre ciel. Je ne sais pas si quelqu'un me capte. Celui qui t'y a invité prononce cette parole-là. Maintenant, ces dieux-là sont ceux qui sont en train de te faire du mal. On fait comment? J'espère que quelqu'un va prier ce soir comme il n'a jamais prié. Tu es en train de faire quoi dans mes affaires? Tu es triste, n'est-ce pas? Il faut te réjouir. Ou alors, entre dans les affaires de Dieu. Lorsque tu es dans les affaires cette de Dieu, phrase ici devient aussi ta phrase. Parce que Jésus, quand il vient habiter dans notre cœur, il parle par nous. On va parler de ça d'ici là. Il vit en nous. Donc il parle en étant en moi et dit au Dieu, c'est-à-dire les principautés, les pouvoirs, les autorités, les démons, tous ceux qui s'appellent des dieux sur la terre, il leur dit, si vous n'avez pas créé cette terre, vous n'avez pas créé ces cieux, c'est prévu. Allez-vous-en. Ça va na tok. Lorsqu'il s'en va, il te laisse en paix. Mutatoka. Vous allez quitter. Quelqu'un peut commencer à prier et dire à ces démons, à ces maris de nuit, dites à ces maris de nuit, mutatoka. Ambia ule mosi, tu vas sortir. Mutatoka. Tu vas sortir. Mutatoka. Il faut que tu t'en ailles. Oh, bachawi balikuya, balanja mu plafond, balikuya, bametia mabitu, bamepanda bitu mu parcelle. Oh non, ils ont semé les choses dans ma parcelle. Moi, miungu, mepanda bitu mu parcelle. Oh, vous dieux qui aviez créé des choses dans ma parcelle. Muli créé parcelle. Est-ce que vous avez créé cette parcelle? Mukamate bien nous. Prenez vos affaires et allez-vous-en. Mwende. Allez-vous-en. Mubebe bien nous, mwende. Prenez vos affaires et allez-vous-en. La puissance de Dieu. Oui, ça va, mon gars. Pourquoi Dieu tu prétends que ça peut marcher? Parce que qu'est-ce qui existe que je n'ai pas créé? Et si c'est moi qui ai créé, c'est que je peux aussi retirer. Même les esprits là, démoniaques, ce sont les anges déchus qui sont partis avec Satan. Dieu peut les retirer. Mungu anaweza kuwaondoa. Mungu. Dieu. Ces démons nous ont malmenés à Goma. Et c'est le diable qui l'a mis. Et il l'a placé là-bas sur les lacs. Et ça nous malmène beaucoup. Mungu kule juu, oh Dieu là-haut, nous prions que tu viennes le reprendre. Prends-le et va-t'en. Et toi-même, tu sauras là où tu vas les placer. Quelqu'un acclame le Seigneur. La puissance de Dieu. Dieu est suffisamment puissant par rapport à tout ce qui nous arrive comme difficulté. Il est suffisamment puissant par rapport à toute créature, à tout être, tout être qui prétend devenir Dieu contre nous. En singleton comme en quantité. Dieu dit Mungu anasema, dans Esaïe chapitre 43. Ndani ya Isaya 43. 43 j'espère. 43 nikifikiria. Verset 5. Moja hadi tano. Il dit anasema, puisque tu as du prix à mes yeux. Anasema sababu na bei machoni pangu. Puisque tu es honoré. Sababu unaheshimika. Et que je t'aime. Na kwamba mimi nakupenda. Je donne des hommes à ta place. Na wapana watu kwa nafasi yako. Et des peuples pour ta vie. Na mataifa kwa ajili ya maisha yako. Si Dieu peut donner des hommes à ta place, kama Mungu anaweza kuwapana watu kwa nafasi yako, les esprits, sasa mapepo, les démons, maroho, shika les sorciers, sijui kama wachawi. Il est même écrit, imeandikwa hata, que les sorciers ou la sorcellerie n'a pas le droit de vivre au milieu des hommes. Ya kwamba uchawi huna haki ya kuishi miongoni mwa wanadamu. Kama uko mchawi, si il est prévu que tu n'as pas le droit de vivre. Imetayarishwa ya kwamba una haki ya kuishi. Hii Bible inaweka mambo eh? Cette Bible là. Elle garde les choses. Tu n'as pas le droit de vivre. Una haki ya kuishi. Par la puissance de Dieu. Kupitia uwezo wa Mungu. Si tu n'as pas créé le ciel et la terre, kama ugumba mbingu na dunia, funga biako, wende. Ramballe tes affaires, va-t'en. Et au Congo, on a eu des dieux. Na Congo, tulipata miungu. Et puis, Dieu marche dans une veuwe. Na kisa, Mungu na iko na tembea ndani ya gari la veuwe. Il roule dans une veuwe. Mungu iko na tembeza gari. Sasa we Mungu weye. Maintenant, toi, Dieu. Kisha pine na pasuka. Et maintenant, il y a crevaison. Ngambo ya njili pale. Il y a crevaison là-bas en Gili. Kisha pine ya Mungu na pasuka. Et la crevaison du pneu de Dieu. Bona we Mungu naenda kwa kwado. Et Dieu passe un quado pour faire réparer le seulement pneu. Seulement est mot et que le pneu remarche. Tu sais mais tu ne nous moja na gurudumu hiyo itengemane. Un autre pneu se met à place. Tu sais mais tu ne nous moja na gurudumu ingine kuja hapo. Les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre doivent partir. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre doivent partir. Wanapasa kwenda. Batoke mubietu. Qu'il quitte dans nos affaires. Maintenant imaginez, ces dieux la vient à l'église. Angalia sasa wale wa miungu nous sommes en train d'adorer ces grands dieux. Et tu viens avec ta sorcellerie. Tu es en train de grossir là-bas. Dieu il est miséricordieux. Na unapima ta kuloga voisin. Et tu commences même à ensorceler ton voisin. Ngoya. Attends seulement. Ngoya. Attends. Ni ma grâce il est yote. Tout ça c'est la grâce. La Bible dit Dieu use de patience. Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce sont quelques minutes que Dieu te laisse pour dire repas-toi rapidement avant que je vienne te vider là. Et si tu es ici ce soir, repas-toi rapidement. Parce que certaines choses, Dieu ne les applique pas avant de nous avertir. Maintenant que nous sommes avertis, ne t'étonne pas que ces choses que nous parlons commencent à s'appliquer. Fais gaffe. Maintenant tu sais. Sasa unajua. On se moque pas de Dieu. Hawa mzia kimungu. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous parlons la puissance de Dieu, ni kusema tunapozungumzia uwezo wa Mungu. Regardez le verset 12. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Aliumba mbingu kwa akili yake. Sa personne. Utu wake. Sa puissance. Uwezo wake. Alléluia. Amen. Je pense qu'on va se limiter là pour aujourd'hui. Nikiwaza tutamalizia hapo kwa leo. Sa, la puissance de Dieu uwezo wa Mungu sous-attend les œuvres de Dieu, inakuwa ikizungumzia matendo ya Mungu, l'existence, maisha ama utu, l'existence, kukua kwa vitu, amener les choses à l'existence, kuleta vitu kukua, la création, uumbaji. Munaenda deja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que quelqu'un se représente ces dieux. Quand nous disons que ta gloire vienne, nous disons que ces choses que nous venons de partager viennent s'asseoir dans notre propre vie. C'est une lourde demande. C'est une prière lourde qui doit déplacer ces dieux que nous les, comme on vient d'en parler, et l'amener s'installer en nous. Comme on peut dire à Swahili, Mungu Muzima amekuja kukaa ndani mwangu. La plénitude de Dieu est venue habiter en moi. Dieu. Mungu. Et vous comprendrez maintenant le concept kabod. Namtelewa sasa hii msemo wa kabod ama uzito wa Mungu. Est-ce que Dieu pèse? Je Mungu ana uzito. Nzambe munene munene nzambe a Moïse. Vous voyez même quand on fait ce geste là ça suffit pas. Non, tunapofanya hii tendo hii. Asa tu fanye kisi Mungu iko munene. Nzambe munene munene nzambe a Moïse. Ça suffit pas. Iyo haitoshi. Ça pèse plus que ça. Inakuwa na uzito kushinda iyo. Dieu pèse. Mungu ana uzito. On n'a même pas besoin de dire que Dieu pèse. Hatuna hata haja kusema kwamba Mungu ana uzito. Cette simple réalité là. Hii ukweli hii tu. Terrorise. Inaogopesha. Toute créature. Kila kiumbe. Ça terrorise toute créature, y compris l'homme. Inaogopesha kila kiumbe, hata mimi. Ça fait peur. Inaogopesha. Et cette réalité qu'on vient de voir, na ukweli hii ambayo tunamaliza kuona, contient tout ce dont nous avons besoin. Inakuwa na ndani mwake ile yote tunayokuwa nahitaji. En termes de provision. Kama vile akiba. En termes de sécurité. Kama vile usalama. En termes de notre destinée. Kama vile hatima yetu. En termes de nos perspectives. Kama vile mitazamo zetu. En termes de tout ce que nous pouvons vouloir. Kama vile yote ambayo tunaweza kuhitaji. Ça contient tout. Inakuwa na yote. Levons-nous. Tusimame. Chantons encore mon aîné.